dans les halles, mais ton local record. Local record. D-I-D-A-Z pour la tête. D-I-D-A-Z pour la tête, pas Minos. Gros big up, un gros big up pour Nivek et son 4-1. Yeah. D-I-D-I-D-A-Z-Z, ok. D-P-R Chine, sans motif, ok. C'est le mic 2-0-1-0. Ok. On est Al. On est Al, mec, ton local record. Ok. Ok. Ok. Tout commence en 2008, l'envie de rapper se fait sentir. J'ai décidé de prendre la route vers le succès et sans ceinture. Ok, c'est D-I-D-A-Z pour la tête, pas Minos. Les MC me font gaulerie, ça taffe les abdominaux. Un gros big up pour Nivek et son 4-1. Sur un scrut, je me cale, un démarrage chèque sans cale et sans cale. Vierge, je suis encore jeune, nique la cale, vis. Passe à vif, je le calcine, et on schlag sans cale, 10. Ok, un gros big up pour Minos et sa mixtape, sur le mic. Seulement, ce qui m'intéresse dans le rap, il s'agit de faire de la maille. Et si seulement c'était faisable, j'aurais déjà banqué. Peut-être que plus tard, j'aurais assez pour m'acheter un tank que je suis tankseux. Évitons d'être anxieux, je suis pas du tout prétentieux, un tout petit peu sous tension. À ce qui paraît, la mixtape est bientôt finie. Bientôt dans les packs, faudra la mixer et la peaufiner. Ok. Local record.